Chapitre 97. Trois grands hommes de la Normandie. Le poète Pierre Corneille, l'abbé de Saint-Pierre, le physicien Fresnel. Premièrement, l'un des plus grands poètes de la France, Corneille, est né à Rouen au commencement du XVIIe siècle. Ses pièces en vers, qui furent représentées à Paris, excitèrent un véritable enthousiasme. Un jour, le grand Condé fut si ému à la représentation d'une de ses pièces qu'il ne put s'empêcher de pleurer. Les œuvres de Corneille sont en effet remplies de sentiments élevés et de nobles maximes. Il nous émeut par l'admiration des personnages qu'il représente. Aussi son nom fut parmi les plus illustres du XVIIe siècle. Corneille resta cependant toujours simple et sans vanité. Il composait ses poésies à Rouen, dans sa ville natale, où il habitait une petite maison avec son frère. Car les deux frères Corneille s'aimaient le plus tendrement du monde. Ils étaient tous deux poètes. L'un habitait un étage, l'autre l'étage supérieur. Leur cabinet de travail correspondait par une petite trappe ouverte dans le plafond. Et lorsque Pierre Corneille était embarrassé pour trouver une rime, il ouvrait la trappe et demandait l'aide de son frère Thomas. Celui-ci lui criait d'en haut les mots qui riment ensemble, comme victoire, gloire, mémoire, et Pierre choisissait. Lorsque Pierre Corneille avait fini ses pièces, il venait à Paris les apporter, et comme il était pauvre, il allait à pied. On le voyait arriver avec ses gros souliers ferrés, son bâton à la main, et un nouveau chef-d'œuvre sous le bras. Vers la fin de sa vie, il vint s'établir à Paris. Sa pauvreté s'était encore accrue. On raconte qu'un jour il se promenait avec un écrivain de l'époque. Il causait poésie. Tout d'un coup, le grand Corneille, simplement, quitta le bras de son interlocuteur et, entrant dans une boutique de savetier, il fit pour quelques sous remettre une pièce à ses souliers endommagés. Telle était la simplicité et la grandeur avec laquelle il portait sa pauvreté sans en rougir. Sa ville de Rouen a élevé à Corneille une magnifique statue, sculptée par David d'Angers. Deuxièmement, Barfleur est un petit port de la basse Normandie, d'où Guillaume le Conquérant, chef des Normands, partit autrefois à la tête de sa flotte pour conquérir l'Angleterre. À Barfleur naquit au milieu du XVIIe siècle l'abbé de Saint-Pierre, célèbre pour son ardent amour de l'humanité. Toute sa vie, il n'eut qu'un désir, améliorer le sort des peuples, et dans ce but, il proposa toutes sortes de réformes. En 1712, sur la fin du règne de Louis XIV, l'abbé de Saint-Pierre fut témoin des cruels désastres qu'éprouva la France, envahie. Rempli d'horreur pour la guerre, il se demanda s'il ne serait pas possible aux nations de l'éviter un jour. C'est alors qu'il écrivit un beau livre intitulé « Projet de paix perpétuelle ». Il y soutenait qu'on pourrait éviter la guerre en établissant un tribunal choisi dans toutes les nations et chargé de juger pacifiquement les différends qui s'élèveraient entre les peuples. Sans doute nous sommes loin encore de cette paix perpétuelle rêvée par le bon abbé de Saint-Pierre, mais ce n'en est pas moins un honneur pour la France d'avoir été, entre toutes les nations, la première à espérer qu'un jour, les peuples seraient assez sages pour renoncer à s'entretuer, et pour terminer leur querelle par un jugement pacifique. L'abbé de Saint-Pierre passa ainsi toute sa vie à chercher des moyens de soulager la misère du peuple et d'assurer le progrès de l'humanité. C'est lui qui a inventé un mot que nous employons tous aujourd'hui et qui n'était pas alors dans la langue française, le mot de bienfaisance. Il ne s'est pas contenté du mot, il a lui-même donné toute sa vie l'exemple de cette vertu. Troisièmement, Augustin Fresnel, né dans l'Eure à la fin du siècle dernier, fut d'abord un enfant paresseux. Il était à l'école le dernier de sa classe, mais il ne tarda pas à comprendre qu'on n'arrive à rien dans la vie sans le travail, et il travailla avec tant d'ardeur pour réparer le temps perdu, qu'à l'âge de 16 ans et demi, il entrait l'un des premiers à l'école polytechnique. Il en sortit à 19 ans avec le titre d'ingénieur des ponts et chaussées. Bientôt, il fut grand bruit dans le monde, savant des découvertes faites par un jeune physicien sur la lumière et la marche des rayons lumineux. C'était Fresnel qui, grâce à cette découverte, put plus tard perfectionner l'éclairage des phares. Avant lui, la lampe des phares n'avait qu'une faible lumière, qui ne s'apercevait pas d'assez loin sur les flots, et les naufrages étaient encore fréquents. Fresnel sut multiplier en quelque sorte la lumière de cette lampe en l'entourant de verres savamment taillés et de miroirs de toutes sortes. C'est la France, a dit un de nos écrivains, qui, après ces grandes guerres, inventa ces nouveaux arts de la lumière et les appliqua au salut de la vie humaine. armé du rayon de Fresnel, de cette lampe forte comme 4000, et qu'on voit à 12 lieues, elle se fit une ceinture de ces puissantes flammes, qui entrecroisent leurs lueurs. Les ténèbres disparurent de la face de nos mers. Qui peut dire combien d'hommes et de vaisseaux sauvent les phares ? Julien continuait sa lecture, mais le pilote Guillaume ne l'écoutait plus depuis déjà quelque temps. Il était tout occupé du navire et de la mer. Le vent s'était levé plus fort, et on voyait au loin l'océan qui commençait à blanchir d'écume. « Allons, laisse-moi petit, » dit Guillaume. « Tes histoires sont intéressantes, mais nous les verrons une autre fois. Sur toutes ces côtes, la mer est mauvaise, et je pourrais bien avoir ce soir forte besogne. » Fresnel, né à Broglie, dans l'Eure, en 1788, mort en 1827.